Bonjour et bienvenue à cette deuxième balado-diffusion en cette semaine du 27 août que j'intitulerai « Le service à la clientèle prise 2 ». En tant que nouvelle arrivante au Nicaragua, je suis toujours à m'habituer aux réalités du pays. Et ici, où les hommes et les femmes peinent à survivre, la vie réserve bien des surprises. Et c'est souvent le niveau de confort qui est atteint. Sachez que le mien n'est pas très fragile, je ne suis pas de ces personnes qui vivent à l'étranger et qui doivent manger comme à la maison. Non. Mais de temps en temps, il fait bon de se retrouver dans un lieu aux allures de chez soi, surtout après avoir été bombardé par le regard de marbre d'une pharmacienne sans compassion, d'avoir fait la file pendant 20 minutes à l'épicerie pour se faire dire que vous ne pouvez pas payer avec votre 20$ américain parce qu'il est trop sale. Oui, trop sale. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle du Mocha Nana Café, un café comme ceux qu'on retrouve au Canada. Le seul à Estelí qui a ouvert ses portes tout récemment. Mocha Nana est mon refuge du vacarme urbain où le latte est délicieux. Et c'est aussi une valeur sûre en matière du service à la clientèle. Ici, pas de propina volontariat. Et ce qui se retrouve sur le menu est réellement disponible. Ce qui n'est pas toujours le cas partout et parfois avec raison. Si ce n'est pas la saison des mangues, contentez-vous du jus frais aux ananas. Mais imaginez un soir chez le Mexicain, des amis n'ont pas pu commander ni bouteille d'eau ni Coca-Cola. Les deux seuls breuvages disponibles pour le touriste qui ne veut pas risquer une diarrhée. Comment expliquer une pénurie de Coca-Cola dans un pays où cette marque est comme Dieu? Coca-Cola est partout. Est-ce une question de paresse, de négligence ou d'indifférence de la part du propriétaire? Je préfère croire qu'il vit des difficultés financières qui ne lui permettent pas de payer sa facture au livreur de Coke. Quoi qu'il en soit, il a perdu deux clients ce soir-là. Un propriétaire de mauvaise foi cependant est celui de l'hôtel Hacienda Mérida sur l'île d'Ometepe. Fils d'un riche qui a fait fortune sous le régime du dictateur Somoza, il s'est construit une station balnéaire modeste mais très jolie au pied d'un volcan. L'ambiance est presque parfaite, si ce n'est que de l'attitude du fils à papa. Allongé dans son hamac, il se fait servir comme un pacha par tous ses employés de sexe féminin qui font des allées et venues de sa chambre à coucher. Il est allé jusqu'à demander à ce qu'on lui apporte un coupe-ongle. Le type n'est pas seulement macho, il est chiche. Sa publicité dit « all you can eat » et par hasard, il manque de nourriture à chaque soir lors de notre séjour. Et ce lieu, qui fait de l'argent comme de l'eau, n'accepte pas la carte de crédit. Des irritants importants pour des touristes peu avertis. Ce ne sont pas que les entrepreneurs nicaraguayens qui sont en cause. Sur la petite île du Maïs, la directrice d'une station balnéaire américaine nous a fortement recommandé d'aller en apnée jusqu'à une épave entourée de coraux. La mer nous paraissait très agitée. Nous lui avons demandé si les vagues risquaient de nous écraser sur les coraux qui sont à la surface de l'eau dans le secteur. « Non, non, vous vous rendrez aisément », nous a-t-elle dit. Rassurés par une femme qui connaît les environs, nous avons donc nagé à plus de 500 mètres au large. La haute mer, mes amis. Disons que nous avons vu ces coraux de proche. Nous sommes revenus de peine et de misère, sans égratignure. Dieu soit loué. Toutes ces expériences plus loufoques les unes que les autres font de moi une consommatrice sur ses gardes. Et lorsque le préposé du concessionnaire Toyota où j'ai loué un véhicule 4x4 m'a dit récemment « Nous avons ouvert votre dossier, madame, à votre nom et vous n'avez plus à apporter votre carte de crédit », j'ai eu peine à y croire. Et au magasin Apple, les réparations d'un Mac n'ont coûté que 30$ américains et ça a pris une seule journée de travail. Je vous jure, j'étais bouche bée. Et je croyais être une victime de ces émissions de télé à caméra cachée de style « Souriez, vous êtes filmé ». J'ai conclu que les entreprises étrangères dont les produits sont plus dispendieux, voitures et ordinateurs, vous offrent en effet un meilleur service à la clientèle au Nicaragua. Pas surprenant, ils ont les budgets et une réputation mondiale à défendre. Mais le plus dur dans tous ces méandres commerciaux, c'est l'imprévisible. Difficile de prédire si vous allez vivre dans les prochaines minutes une bonne ou mauvaise expérience. Et je ne veux pas croire que seul le pays d'origine et le prix du produit sont ici les facteurs déterminants du service à la clientèle. Sinon, comment expliquer le café Mocha Nana où je me trouve? C'est pourquoi j'ai tenté de développer un modèle économique du service à la clientèle que j'appelle l'index du consommateur satisfait. L'ICS est donc égal au prix du produit ou service multiplié par le PIB par habitant du pays, divisé par le taux de chômage. Le tout multiplié par l'index du développement humain. Et si vous vous trouvez dans une entreprise étrangère, vous multipliez le tout par un coefficient de 2. Et pour tous les propriétaires de cafés, de salons de coiffure et vendeuses de journaux qui font des pieds et des mains pour vous servir gentiment, j'ajoute le facteur sourire. Multipliez l'ISS par 5. Parce que le monde n'est pas, Dieu soit loué, uniquement composé de McDo, Starbucks, Toyota ou Apple. À la semaine prochaine.